Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les olives étaient-elles récoltées dans l'Antiquité ? Quels produits de base représentaient-elles pour l'alimentation populaire, celle des paysans et des ouvriers ? Comment préparait-on les olives vertes ou noires en conserve ? Demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. Et selon quelle recette ? Comment préparait-on la pâte d'olive à déguster sur du pain quand on est au champ ? Et qui mangeait ces différentes conserves et préparations ? Quelles étaient les variétés de ces olives et leur réputation ? Comment, au fil des transplantations, le nombre des variétés d'olives a-t-il augmenté au cours de l'Antiquité ? Comment les olives confites produites en Narbonnaise étaient-elles exportées en amphores ? Jusqu'où l'archéologie peut-elle pousser son approche de la productivité des oliviers et du commerce des produits de cet arbre ? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long, dans le cadre de sa série pluriannuelle « Techniques et économies de l'huile d'olive » dans la Méditerranée antique. Avec cette série, il renoue avec ses premiers travaux archéologiques et avec sa thèse consacrée à l'huile et au vin dans la Méditerranée antique. Dans ce cadre, et celui de ses travaux suivants, il a fouillé de nombreuses installations vinicoles et oléicoles romaines en Provence, mais aussi en Italie et en Grèce. Il fait le point sur les dernières découvertes et il nous entraîne de l'Égypte à la Grèce et à l'Empire romain, de l'Europe à l'Afrique du Nord, tandis que l'itinéraire des conserves d'olives venues de Campanie, de Bétique et de Narbonnaise nous entraîne jusqu'en Allemagne. Dans un entretien donné à La Vie des Idées en 2014, Jean-Pierre Brun soulignait l'intérêt accru au cours du XXe siècle pour quelque chose qui devenait prépondérant dans notre vie, c'est-à-dire la vie économique. On a donc développé des techniques pour essayer de reconstituer l'évolution économique de l'Antiquité en étudiant les amphores qui servaient à transporter du vin, de l'huile ou des conserves de poisson. Ce sont ces amphores qui sont commentées ce matin avec leurs étiquettes et leurs itinéraires, celle d'une épave, celle de Cologne ou la jarre de Dios dans le désert oriental de l'Égypte. Ce sont aussi les textes, ceux de Théophraste, de Varron, de Pline, de Virgile, les fresques, les décors de céramique qui évoquent et décrivent la culture et l'exploitation des oliviers et de ses produits. La récolte des olives, tantôt ramassées au sol, et nous verrons quelles critiques font nos auteurs savants de cette méthode répandue dans tout le bassin méditerranéen, la cueillette à la main, le secouage et le fameux gaulage offrant de charmantes scènes où deux personnages agitent un bâton pour faire tomber les fruits. Quelles sont les techniques qui relèvent des petits paysans ou au contraire des riches propriétaires, comme le gaulage qui nécessite l'installation de tissus ou de filets coûteux pour recueillir les olives. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 30 octobre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Techniques et économies de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, récolte d'olives et recettes. Il convient d'examiner la récolte et les divers produits que fournissait cet arbre durant l'Antiquité, c'est-à-dire les olives, l'huile et les sous-produits qui étaient le grignon d'olive, c'est-à-dire en fait les noyaux qui restent après l'extraction, et la pulpe qui reste donc aussi après l'extraction et qui sont séparés, ainsi que les eaux de végétation qui se sépare de l'huile par la décantation. Et ces eaux de végétation, les anciens, nous le verrons, en faisaient un grand usage et les appelaient lamurca. Commençons donc par le cycle végétatif de l'olivier qui commence en mars-avril par l'apparition des bourgeons, se poursuit en mai par la formation des grappes de fleurs. Pline observe qu'elle est légèrement plus tardive que celle de la vigne et qu'elle dure une à deux semaines. Vous trouvez ça dans le passage de l'Histoire naturelle, livre 16, paragraphe 106. Il dit que c'est vers l'époque des Pléiades, soit vers le 10 mai, que la pluie risque d'occasionner la coulure de la fleur, compromettant gravement la formation du fruit. Dans les bonnes années, un quart seulement des fleurs sont fécondées. De juin à juillet, les fruits se forment et grossissent. Ils commencent à mûrir durant le mois d'octobre et novembre, et la récolte se fait ordinairement à l'automne et au début de l'hiver. Les ménologes rustiques latins du 1er siècle de notre ère, connus par deux inscriptions, connues au CUL 1, fixent au mois de décembre la cueillette des olives et la mosaïque de la Chebba, que nous verrons par la suite, qui date du 2e siècle, la place à la fin de l'automne. Dans l'Antiquité, on tirait plusieurs sortes d'olives à confire et différents types d'huile. La récolte s'échelonnait donc sur une longue période. Dès les mois d'août et septembre, on ramassait des olives tombées et on cueillait des olives vertes pour les confire et en faire de l'huile d'été. Selon les régions, en octobre et en novembre, on cueillait des olives tournantes, c'est-à-dire lorsqu'elles sont bigarrées de couleur verte à violette. On en tirait toutes sortes de conserves et une huile réputée que les Grecs appelaient omphakinon et les Latins oleum viridé, qui était très recherchée quand on l'utilisait en petite quantité pour fabriquer des parfums et des médicaments. Et c'est très souvent mentionné par les auteurs, vous le trouvez par exemple chez Théophraste dans le Deodoribus, paragraphe 15, et chez Dioscoride dans le De Materia Medica, livre 1, paragraphe 22. Mais c'est après les vendanges que l'on s'occupait vraiment de la récolte. À ce moment-là, les olives étaient vraiment mûres et selon Théophraste, d'ailleurs, dans l'ouvrage qui s'appelle Causis Plantarum, au livre 6, paragraphe 19.3, les olives sont mûres entre octobre et décembre et il arrivait que dans les bonnes années, on cueille encore en janvier et même en février, voire mars, des olives noires pour les mettre en conserve ou pour extraire l'huile, qu'on appelait alors l'huile mûre, destinée à l'alimentation. Mais il arrivait aussi que, y compris sous les climats chauds, on récolta assez tard. En 105 après Jésus-Christ, le vétéran Lucius Bellenius Gemellus, dont j'ai eu l'occasion de raconter un peu l'histoire là, lors du dernier cours, qui était un ancien militaire, assez gros propriétaire d'olivettes dans le Fayoum en Égypte. Donc en 105, Bellenius fait cueillir ses olives entre le 14 et le 27 janvier, et alors qu'elles étaient certainement très mûres à ce moment-là. Et vous trouvez cette mention dans le papyrus du Fayoum, numéro 102. Tant que les olivettes étaient peu étendues et destinées à couvrir les besoins d'une famille, la récolte pouvait se faire progressivement par ramassage des olives tombées et par la cueillette effectuée par des esclaves. Hier comme aujourd'hui, la récolte était longue et fastidieuse. Les fruits de l'olivier sont petits et ils étaient d'autant plus difficiles à atteindre que les arbres étaient quelquefois très grands et qu'on les cueille par temps froid. Dès que la production augmentait pour déboucher sur un circuit commercial, les agriculteurs devaient s'assurer le concours d'une main-d'œuvre saisonnière. La récolte est en effet un gros travail qui excède les forces de la main-d'œuvre servile présente sur un domaine. Et les riches propriétaires devaient donc embaucher du personnel supplémentaire au moment des labours, des semailles, du piochage des vignes et aussi de la récolte des olives. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 144-146, présente comme un fait banal que dès le IIe siècle avant notre ère, le moment où il est écrit, on puisse vendre la récolte sur pied à des entrepreneurs qui étaient capables de fournir beaucoup de main-d'œuvre pour ramasser les olives et les cueillir. C'est, d'un côté, les ramasseurs s'appellent les légoulis, de l'autre côté, les cueilleurs s'appellent les strictores. Et donc, ils étaient capables d'avoir des troupes d'ouvriers qui étaient susceptibles de faire ce travail. Cette pratique est attestée à plusieurs autres reprises par d'autres sources. Une scolie pseudo-acronienne d'Horace concernant la satire 1.6 au vers 85-86 indique Argentarium dicimus eum qui habet summam olivarum aquo accipium foranei coactorem qui egigit numos a circum foraneis. Et ça nous renvoie à des pratiques qu'on peut illustrer par le forum de Pompéi un jour de marché, à des pratiques que Jean Andreau a commentées dans un article qui s'appelle « Les financiers romains entre la ville et la campagne », paru dans un colloque tenu à Aix-en-Provence en 1984 et publié en 1985 par l'université. Jean Andreau a expliqué que les olives vendues par les producteurs sont en fait ramassées par des grossistes qui sont donc les foranei. Et ces grossistes les revendent aux enchères à des marchands forains, qui dans le texte sont les circumforanei, qui, eux, les revendent au détail. Alors, toute l'histoire vient du fait que les grossistes reçoivent l'argent des mains de l'argentarius, c'est-à-dire du banquier, en quelque sorte, qui, par l'entremise de l'encaisseur, le coactor, se fait ensuite rembourser par les forains à qui il a fait crédit. Et donc, les petits marchands, les circumforanei qui vont vendre les olives, doivent rembourser, évidemment, avec un intérêt, lorsqu'ils ont vendu les olives. Beaucoup de ces ventes aux enchères avaient lieu lors des nundinae, c'est-à-dire ces marchés hebdomadaires ou bimensuels, qui étaient connus dans toute l'Italie par le texte et les inscriptions, et qui existaient d'ailleurs à peu près partout dans l'Empire par la suite. Un autre témoignage de ces pratiques est donné par un papyrus trouvé à Karanis dans le Fayoun, en Égypte, qui donne le texte d'un contrat d'achat de récolte sur pied d'une année du règne de Domitien, qui est en fait la 8e année, soit en 88-89 après Jésus-Christ. Le produit des olivettes d'un personnage qui s'appelle Sempronius, qui provient en fait de 4 parcelles dont on ne connaît pas exactement l'étendue, est payé en nature par Gaius et Clemens. 8 maîtrettes et 16 cotils d'huile nouvelle auxquelles s'ajoutent 10 artables d'olives noires. Quelques années après, en 105, toujours le fameux Lucius Bellenius Gemellus choisit lui au contraire d'embaucher des saisonniers et il embauche des hommes et des garçons qui sont payés respectivement de 6 à 2 oboles et lui en coûte la somme totale de 738 drachmes. Et je vous renvoie au papyrus Fayoum 102. On employait 4 méthodes pour récolter les olives. Le ramassage des olives tombées, la cueillette, le secouage et le gaulage. Attendre que les olives tombent est une solution de facilité. Et les agronomes antiques la déconseillaient beaucoup, ce qui est le signe que, pour des raisons d'économie, elle était trop souvent employée. Encore au XVIIIe siècle, dans le Cilento, c'est-à-dire dans la partie sud du royaume de Naples, l'olive n'était pas récoltée à la main et on attendait qu'elle tombe d'elle-même. Et de ce fait, la récolte ne recommençait qu'en novembre et se terminait en avril. Pour revenir à l'Antiquité, Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 11, reprenant Théophraste dans les Causis Plantarum 1.19.4, dit qu'une troisième erreur réside dans la parcimonie, quand, pour éviter les frais de cueillette, on attend la chute des olives. Aristophane, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la pièce Les Guêpes, au vers 716, évoque d'ailleurs cueillette et ces ramasseurs qui sont payés à la journée. Hécaton, au IIe siècle avant Jésus-Christ, paragraphe 144, rapporte que ces personnages, donc, ont payé à la tâche, qui s'appellent les Ligoulis, voulaient toujours attendre que les fruits soient mûrs pour les en récolter le plus possible d'olives tombées et donc ramasser beaucoup d'olives, même de mauvaise qualité, puisqu'ils étaient payés à la tâche. Et ce sont effectivement ces ramasseurs d'olives tombées que l'on voit sur le bas-relief Rondanini que nous avons vu juste avant, ou sur la mosaïque de la Sheba qui est conservée au musée du Bardo à Tunis. Souvent, les olives étaient cueillies à la main, notamment lorsqu'on désirait les mettre en conserve. Les auteurs antiques recommandent cette pratique longue et coûteuse, car elle n'abîme ni les olives ni les arbres. L'amphore à figure noire du British Museum du 6e siècle avant Jésus-Christ, ainsi que les bas-reliefs d'Arles, de Trieste et de Cordoue, par exemple, représentent des cueilleurs perchés sur l'arbre ou parfois sur des échelles. Ils remplissent des corbeilles en osier et ils devaient parfois s'aider de doigtiers dont Varron déplore qu'ils blessent l'arbre et les fruits. Pour gagner du temps, en certains lieux, des hommes secouaient les branches de l'arbre, d'autres recueillaient dans de larges paniers des olives qui tombaient. La technique est attestée dans les Géoponiques, au livre 9, paragraphe 17, et c'est celle qu'emploient les fameux ouvriers de Gemellus en Égypte. Une autre méthode très ancienne, économe en main-d'œuvre et en temps, consiste à frapper l'arbre de façon à faire tomber les olives par terre, ou plutôt dans des linges. C'est ce que l'on appelle le golage. En Palestine, dès le premier millénaire avant Jésus-Christ au moins, la récolte des olives se faisait ainsi, selon la Bible, et je vous renvoie au livre d'Isaïe, 17:6. Le procédé est très efficace, mais il a le défaut de blesser l'arbre et donc d'accentuer ce phénomène d'alternance de la production que j'ai déjà souligné auparavant et que Varron mentionne dans les restes rustiqués 1.55. Pour ne pas trop abîmer l'arbre, on doit manier la gaule en suivant les branches de l'intérieur vers l'extérieur. Si les olives sont mûres, elles chutent rapidement, mais on doit ensuite les vanter car elles sont mêlées de feuilles et de brindilles. Et deux amphores à figure noire d'Antiménès au British Museum et au musée de Berlin, montre que le golage était largement pratiqué au VIe siècle avant Jésus-Christ et certainement bien avant. Sur la mosaïque du Seigneur Julius à Carthage, qui est datée du IVe siècle après Jésus-Christ, donc pratiquement un millénaire après, deux personnages frappent un olivier, d'où les olives tombent, et sur un calendrier peint, conservé sous la basilique Santa Maria Maggiore à Rome, il y a aussi une scène qui représente le mois de novembre où des ouvriers portant des gaules se trouvent devant deux oliviers. Une autre scène analogue est figurée sur une mosaïque très mutilée de l'église Saint-Serge à Oum el Rassas in Jordanie, datée de 586 après Jésus-Christ. Donc, c'est une pratique qui était très largement répandue dans l'Antiquité et qui est encore jusqu'aux méthodes modernes, a été très utilisé. Alors, le roulage pouvait être raffiné, un peu comme aujourd'hui, par la mise en place de linges et de filets sous les arbres afin de recueillir aisément les olives tombées. Pollux, dans l'Onomasticon, en 5.36, explique comment étendre les filets, même en terrain accidenté, et comment adapter les filets à la manière dont les arbres sont plantés. Recueillir les olives dans des linges devait en fait être réservé aux riches propriétaires, car évidemment à cause du prix des tissus et des filets. Selon les classes économiques, donc, on devait combiner les diverses méthodes. Venons-en maintenant à la question des olives elles-mêmes. Lorsqu'on traite de l'oliculture, on a naturellement tendance à s'attacher surtout à l'huile, qui était le produit le plus valorisé et le plus commercialisé. Il ne faut pas oublier que les olives étaient une nourriture de base pour les paysans et les ouvriers. Mais avant, il faut se poser la question sur la productivité des oliviers. Les anciens savaient que l'olivier ne produit véritablement qu'une année sur deux. Columel, au livre 5, paragraphe 8.1, constatait le fait et Varron, dans Les Restes rustiqués, l'expliquait par les méthodes de récolte trop brutales, et notamment par le gaulage. Cette alternance pouvait entraîner une pénurie momentanée d'huile, même dans des régions exportatrices comme l'Attique. Une certaine année du IIe siècle avant Jésus-Christ, une disette d'huile se fit sentir à Athènes à cause d'une mauvaise récolte. Et un généreux commerçant, ayant dans son bateau 56 000 litres d'huile qu'il avait prévu de vendre au pont Euxin, accepta de les vendre à perte dans sa cité. Cette évergésie fut rapportée par une inscription qui nous est parvenue, et c'est ainsi qu'on a cette indication sur cette pénurie momentanée. Et sur ce point, je vous renvoie à l'intéressante étude de Philippe Gauthier, Les villes athéniennes et un décret pour un commerçant, paru dans la Revue des études grecques en 1982, page 235 et suivante. À l'inverse, certaines années où la conjoncture climatique était favorable, la récolte était pléthorique. C'est ainsi qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe Thalès de Milet, ayant prévu que la récolte de l'année serait exceptionnelle, avait loué toutes les huileries de Milet et de Chios afin de les sous-louer au prix fort au moment où tous les paysans voudraient faire écraser leurs olives. Cette histoire est rapportée dans la Politique d'Aristote au paragraphe 1259a. En fait, l'alternance de la production est un phénomène naturel qui est dû surtout à la pauvreté des sols méditerranéens, l'irrégularité des précipitations. Mais il est aggravé par une périodicité trop longue de la taille et par les blessures faites aux arbres au moment de la récolte. Théophraste a remarqué que dans la région d'Olynthe, c'est-à-dire au nord de la Grèce, les oliviers étaient moins soumis à l'alternance. Je vous renvoie au Causis Plantarum 1.24, ce qui s'explique entre autres par une pluviosité plus régulière en Grèce du Nord que dans l'Attique ou dans le Péloponnèse. Un grand nombre de paramètres rendent difficile l'estimation de la productivité d'un olivier et a fortiori d'une olivette, et toute tentative à partir des maigres données archéologiques est vouée à l'échec. Peut-on y parvenir à partir des sources écrites ? Nous savons aujourd'hui que la productivité dépend de la variété, de l'âge de l'arbre, de la richesse du sol, des précipitations, de l'irrigation, de la taille, des soins apportés à l'arbre, et notamment la fumure, les labours, le désherbage, sans compter bien entendu l'action négative des nombreux parasites, la mouche, la teigne, la cochenille, etc. Aucun texte ancien ne donne tous ces renseignements. Une dizaine de tablettes en argile trouvées à Ebla en Syrie montrent qu'on se préoccupait déjà, dès le 24e siècle avant Jésus-Christ, de comptabiliser les oliviers et leur production d'huile. On apprend qu'une propriété comptait 5400 oliviers et 24 jars d'huile, soit 730 litres d'huile, et une autre 600 oliviers et 18 jars, soit 540 litres. Mais les chiffres fournis sont si disparates qu'on ne peut les interpréter en termes de productivité. Tout ce que nous savons concerne la densité de plantation. Magon pour Carthage, l'inscription d'Héraclée de Lucanie pour l'Italie du Sud à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Caton et Columel pour l'Italie romaine préconisent des espacements d'arbres et donc des densités de plantation qui varient de 25 à l'hectare dans les climats arides à 170 en zone tempérée. Actuellement, les rendements moyens par hectare et par arbre sont très disparates, de 10 à 20 kg par arbre en France, où, comme vous le savez, nous sommes à la marge de la zone climatique de l'olivier, de 12 à 25 kg en Syrie, de 15 à 25 en Espagne. Ils peuvent s'élever à près de 50 kg pour des oliviers très anciens, en Palestine par exemple. Le domaine de Lucius Manlius, situé à Venafre, dans le Samnium, à la limite de la Campanie, a été décrit comme un modèle par Caton au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il comptait 60 hectares d'oliviers, soit, si l'on tient compte des espacements que Caton propose par ailleurs, probablement entre 7000 et 10000 arbres. Cette propriété pouvait donc produire, dans les bonnes années, plus de 100 tonnes d'olives. De tels chiffres ne furent atteints que dans les grands domaines tournés vers les productions spéculatives, en Italie, en Bétique, c'est-à-dire en Espagne méridionale, en Afrique et en Tripolitaine. Dans la péninsule italique, cette mutation se produisit dès la fin de la République et surtout à partir de l'époque augustéenne. En Orient, la Mishnah considérait qu'un olivier devait produire au moins 12 kilos, de 12 à 17 kilos d'olives. Mais les chiffres disponibles actuellement indiquent qu'en Samarie, on obtient couramment 50 à 100 kilos d'olives par arbre, et même un peu plus pour les très vieux arbres, avec un rendement en huile qui varie de 20 à 30%. Selon Safraï, dans son ouvrage sur The Economy of Roman Palestine, paru à Londres en 1994, dans les années 1950, les fermiers arabes de Palestine produisaient 10 à 30 kilos d'olives par arbre, soit 2 à 3 tonnes à l'hectare, donnant 200 à 600 litres d'huile. La consommation d'une famille était couverte par 5 à 10 arbres d'oliviers. D'un autre côté, Shimon Dar, dans un ouvrage qui s'appelle « Landscape and Pattern, an Archaeological Survey of Samaria », paru à Oxford en 1986, s'est livré à des calculs de productivité des pressoirs antiques à partir des données fournies par l'ethnologie locale. Les moulins pouvaient broyer à peu près 70 kg d'olives par tournée et les pressoirs traitaient environ 50 kg de pâte d'olive à l'heure. En comptant un travail continu, c'est environ 1300 kg d'huile que l'on pouvait extraire chaque semaine, soit pour une saison de 8 semaines, une production totale de l'ordre de 11 tonnes d'huile. Mais tous ces chiffres sont fragiles, isolés et font une trop large part aux réalités subcontemporaines. Pour l'Antiquité, nous ne disposons d'aucune statistique au sens moderne du terme, ni de chiffres qui montreraient une évolution sur une certaine durée. Nous devons donc nous garder de la tentation, que nous avons tous, d'extrapoler à partir de quelques données à notre disposition et qui le plus souvent se limitent, lorsqu'on fait une fouille archéologique, au nombre de pressoirs d'une ferme. Calculer à partir de ce seul critère, à la fois la surface cultivée en olivier et la production maximale d'un domaine, est impossible, car presque tous les paramètres évoqués plus haut nous manquent, c'est-à-dire la variété, l'âge de l'arbre, la densité de plantation, l'action des parasites et la pluviométrie. Tout au plus, nous verrons que certains indices, tels que la construction des grandes huileries et une production importante d'amphores à huile, par exemple en Apulie au 1er siècle avant Jésus-Christ, en Bétique du 1er siècle au 3e siècle après Jésus-Christ, et en Afrique à partir du 2e siècle, indiquent une augmentation considérable de la production sans qu'on puisse la chiffrer en valeur absolue, et je ne pense pas que nous réussirons jamais à avancer des chiffres. Le Collège de France et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, récolte d'olives et recettes. Donc, comme nous l'avons vu, l'olivier donne deux produits, les olives et l'huile. Et il faut donc faire une place aux conserves d'olives, qui étaient une nourriture de base pour toutes les classes de la société, et notamment pour les ouvriers et les paysans, qui les consommaient au champ avec du pain et des oignons. Des noyaux d'olives trouvés à Tel el Amarna, la capitale d'Akhenaton, en Moyenne-Égypte, vers 1340 avant Jésus-Christ, dans le secteur du village des ouvriers, sont parmi les premiers témoins d'une consommation des olives en conserve, pour l'Égypte. Il en est de même, on en a trouvé aussi dans le village des ouvriers de la nécropole de Thèbes, à Deir el-Médineh, au cours de la 18e dynastie. En Grèce archaïque et classique, on trouve mention de la consommation des olives par les paysans dans le traité sur les lois de Platon, en 6782b, tandis qu'Aristophane, dans la pièce intitulée Les Acarniens, au vers 550, une pièce qui a été jouée à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, mentionne les olives parmi les provisions lorsqu'on organise l'approvisionnement d'une expédition militaire. Dans une autre pièce d'Aristophane, l'Assemblée des femmes, au vers 309, il rappelle le bon vieux temps où, je cite, « chacun venait apportant de quoi boire dans une gourde avec un quignon de pain sec et deux oignons et trois ou quatre olives ». Callias, cité par Athénée dans les Démnosophistes en 257a, évoque lui aussi ses repas simples, de la bouillie, de la présure, des raves, des radis noirs, des olives mûres et des gâteaux. Les olives en conserve étaient donc largement consommées par les pauvres et les esclaves. Une des stèles des Hermocopides de 415-414 avant Jésus-Christ, inscriptionnée Graecae 3, numéro 422, mentionne la vente aux enchères de vêtements destinés à des esclaves, de vinaigre et des olives en conserve. Et l'association, en quelque sorte, de ce lot destiné aux enchères montre probablement que ces olives faisaient partie de ce qui était destiné à la nourriture des esclaves. Donc on a à la fois les vêtements, le vinaigre, évidemment, puisque on leur donnait de la boisson vinaigrée, et des olives en conserve. Chez les Romains aussi, les olives étaient d'abord un aliment destiné aux pauvres. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton nourrissait ses esclaves d'olives tombées et d'olives mûres. Et vous trouvez cette mention au paragraphe 58 du De Agricultura. Les conserves les plus communes, les olives noires au sel, étaient en effet considérées comme indigestes en comparaison des variétés légèrement pressées au pressoir et assaisonnées avec des épices. Mais elles étaient encore assez bonnes pour les esclaves. Sous l'Empire romain, les citadins au pouvoir d'achat plus élevé, notamment à Rome, pouvaient se permettre une alimentation plus choisie. En conséquence, ils consommaient surtout des olives en hors d'œuvre et à la fin des repas, si l'on en croit un passage de Martial dans les Épigrammes, livre 13 en 36.2, qui écrit « Ces olives, soustraites au pressoir du Picénum, commencent le repas et le terminent ». Selon Pline, au livre 15, paragraphe 4, les olives d'outre-mer sont préférées pour la table à celles d'Italie. Elles sont moins bonnes pour l'huile. Et il cite les olives très charnues d'Égypte, qui ont peu d'huile, et celles de la dodécapole de Syrie, qui ne sont pas plus grosses que les capres, mais dont la chair était très estimée. Revenons en Égypte romaine et nous voyons que les grosses olives, appelées précisément égyptiennes, étaient effectivement très appréciées. Le fameux Lucius Gemellus Bellinus, l'oïculture du Fayoum, en offrait de plein panier à des fonctionnaires en tant que pot de vin. Lorsqu'il manquait d'olives à la maison, cette maison qu'il possédait à Aphroditopolis, il ordonnait à son intendant de lui en envoyer depuis un autre domaine. En Judée romaine, les olives aussi étaient omniprésentes. La Mishnah mentionne des olives au sel et les chélouines, c'est-à-dire des olives au vinaigre que l'on vendait à l'entrée des terres. En Afrique, comme dans toutes les campagnes méditerranéennes, les olives en conserve formaient la base de l'alimentation des ruraux. Un passage de l'inscription d'Ain Wassel dans la vallée du Bagrada, c'est-à-dire la Medjerda aujourd'hui en Tunisie, dans la zone de Douga, est très significatif de ce point de vue. Il proclame les dispositions édictées entre 209 et 212 après Jésus-Christ par l'administration d'un domaine appartenant à l'empereur afin de régler les conflits entre les colons, c'est-à-dire les paysans qui sont astreints à payer une redevance du tiers de la récolte, et les conductores, c'est-à-dire les entrepreneurs qui soumissionnaient pour obtenir contre une redevance l'exploitation des propriétés impériales. Parmi les mesures prises en faveur des colons et donc destinées à les protéger, on note qu'ils sont dispensés de verser toute redevance sur les olives qu'ils préparent pour leur consommation personnelle. Du point de vue archéologique, il est difficile de mettre en évidence ces conserves car elles ont été consommées, sauf dans des cas exceptionnels comme à Pompéi, ou par exemple dans la villa de Fianga à Bottaro, dans la le territoire de Pompéi, on a trouvé un dolium qui était rempli d'olives confites et qui, évidemment, n'avait pas eu le temps d'être consommé à cause de l'éruption du Vésuve de 79. On connaît donc surtout les conserves d'olives par les étiquettes peintes sur les amphores qui servent à leur commercialisation outre-mer. Nous en verrons quelques exemples, mais il faut rappeler que les productions domestiques, de loin les plus courantes, étaient réalisées dans des jarres polyvalentes ou des amphores de remploi qu'il ne nous est pas possible d'interpréter et encore moins de comptabiliser. Diverses variétés d'olives susceptibles d'être mises en conserve sont connues par les textes. Les archives de Zénon, l'intendant du diocèse de Ptolémée II au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en mentionne déjà plusieurs variétés, dont les colimbades et les olives de Chios. Au cours de la période romaine, on constate une augmentation du nombre des variétés décrites. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton, dans le De Agricultura, paragraphes 6 et 7, mentionne 6 variétés d'olives de conserve, Radius Major, Orchis, Posia, Radius, Albicera Salentina, et 3 variétés d'olives à huile, Ichinia, Comina ou Colmignana et Sergia. Virgile, dans les Géologiques en 2, vers 85-86, écrit « Les gras oliviers donnent des fruits de forme variée, les orcades, les radii et les posiae, dont la baie est amère. » Quelque temps après, Varron, dans les Restes rustiqués, livre 1, paragraphe 24, n'en ajoute pas d'autres, mais Columelle, au siècle suivant, dans le livre 3, en 8-6, le livre 5-8-3 et le livre 12-44-54, décrit, lui, 13 variétés qui permet d'ajouter à celles qui avaient été mentionnées par Caton les colimbades, les regia, mariurina, algiana, nevia, murtea et oleastellum. Pline, à peu près à la même époque, légèrement après, dans l'Histoire naturelle, 15, paragraphe 15-17, cite en plus de celle-ci 5 variétés de bouches, les superba, praedulcis, babia, et ce qu'il appelle donc les olives égyptiennes et les olives de la dodécapole syrienne. Et il ajoute aussi une autre variété d'olive à huile, la conthia, dont les fruits sont petits et relativement tardifs. Et enfin, on arrive à l'Antiquité tardive, avec Palladius, au livre 3, paragraphe 18, et Isidore de Séville, dans les Origines, livre 18, en 763. Ces deux auteurs reprennent les listes de leurs prédécesseurs, Isidore donnant leur étymologie. Au début du 5e siècle, Macrobe, dans les Satires, livre 3, en 26, mentionne lui 17 appellations, dont certaines sont nouvelles, sans que nous sachions si ce sont des homonymies ou des variétés réellement nouvelles. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître des Africana, des Aquilia, des Alexandrina, etc., des Termutia, etc., etc. On voit donc qu'au fil du temps, la sélection des variétés, en fonction de l'usage que les producteurs désiraient en faire et de l'accumulation des connaissances, le nombre des variétés reconnues par les auteurs spécialistes de l'agronomie a progressivement augmenté. C'est un phénomène qui est aisément explicable, car les échanges commerciaux intenses qui se sont développés au cours de la période hellénistique et surtout au cours de l'Empire romain ont été l'occasion de multiples transplantations de variétés, notamment par greffage, nous l'avons vu dans le cours précédent, et aussi de la diffusion de la connaissance de ces variétés qui finalement confluent dans les ouvrages qui nous sont parvenus. Cette multiplicité va donc de pair avec l'accroissement des trafics, la standardisation des machineries et des emballages que nous aborderons par la suite. Les études archéobotaniques modernes confirment cet accroissement du nombre des variétés sous l'Empire romain. Les noyaux d'olive découverts dans l'huilerie du quartier du théâtre de l'île de Délos sont en effet similaires à une variété connue en Crète aujourd'hui qui s'appelle la variété Koroneiki et qui a de petits fruits d'un gramme environ, mais dont la teneur en huile est assez élevée et de l'ordre de 20 à 25%. De la même façon, les noyaux d'olive carbonisés trouvés dans les foyers de l'huilerie de Saint-Michel-à-la-Garde, dans le département du Var, ont été étudiés par l'équipe de Jean-Frédéric Terral, qui a pu déterminer qu'elles appartiennent à trois catégories. Une première variété est issue du croisement avec des oléastres indigènes, ce qui confirme à nouveau l'importance des greffes d'oliviers sauvages que nous avons vues dans le cours précédent. Une seconde variété est proche de la même variété que nous avons vue pour Delos, c'est-à-dire cette variété qui s'appelle Koroneiki. Et une troisième variété appartient à la famille des Picuales et des Lucs. Cette dernière variété aurait été introduite à l'époque romaine depuis l'Italie. Alors comment préparait-on ces olives en conserve? Nous savons tous que l'olive, verte ou noire, ne peut être consommée sans une préparation préalable. En effet, un de ses composants, un sucre nommé oléropéine, est très amer et la rend immangeable. Ce sucre disparaît partiellement avec la maturation, mais l'olive reste âpre et il faut donc éliminer cette oléropéine par lessivage et assurer la conservation de l'olive par des traitements principalement au sel et au vinaigre. Les anciens ont laissé de nombreuses recettes pour confire les olives à divers stades de maturation. Pour les olives vertes, il convenait de changer souvent l'eau de trempage pour éliminer le sucre amer. En concassant légèrement les olives, on facilitait l'élimination de l'oléropéine. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 117, préconisait de les concasser, de les mettre dans l'eau que l'on change souvent. Après macération, on les égouttait, on les mettait dans un pot avec du sel et du vinaigre et on les aromatisait avec du fenouil et du lentisque. Columel, au livre 12, paragraphe 49, propose de les recouvrir de moût, c'est-à-dire de jus de raisin, ou de vin cuit, ou de vin de raisin séché, voire d'hydromel. Une autre préparation recommande un trempage dans le vinaigre remplacé par après maturation, par du vin cuit. Deux autres recettes ont pour but de garder l'amertume et sont destinées à la préparation des sauces plutôt qu'à la consommation. Soit on plonge les olives directement dans la saumure, soit on les conserve dans l'huile. Les olives noires étaient traitées aussi de diverses façons. Théophraste, dans les Causis Plantarum 8.3, indique que les olives très mûres étaient conservées dans le sel durant 30 à 40 jours, puis essuyées. La recette se trouve aussi dans un recueil byzantin, celui des Géoponiques, qui reprend l'ensemble des connaissances agricoles antiques, et je vous renvoie au livre 9, paragraphe 28. Les olives noires étaient d'ailleurs appelées stemphulides, c'est-à-dire les olives pressées, selon Philémon, qui est un auteur cité par Athénée en 2.56. À Rome, les olives étaient consommées simplement séchées. Et on en a une belle mention dans l'histoire naturelle de Pline, au livre 15, paragraphe 17, où elles étaient conservées dans le sel qui a la propriété d'extraire l'eau amère. Et Columel le décrit très bien au livre 12, paragraphe 50. Le plus souvent, en fait, on les conservait dans du vinaigre ou dans du vin cuit. Et ces recettes nous sont données par Caton, en paragraphe 7.4, Columel en 12.50 et Palladius qui reprend l'ensemble en 12.22. Au 5e siècle de notre ère, Macrobe, dans les Satires, paragraphe 20, distingue une variété qu'il appelle Conditiva et qui devait être bien adaptée à la mise en conserve, c'est-à-dire une variété charnue et peu huileuse. En Méditerranée orientale, la variété Colimbade, citée notamment dans les archives de Zénon, nous l'avons vu, et puis par Columel et Pline, tirait son nom de la préparation qu'elle recevait. C'était simplement des olives plongées dans la saumure. Le médecin Diphilos de Syphnos, cité par Athénée en 2.56b, prétendait dans son ouvrage sur le régime des personnes en bonne et en mauvaise santé, écrit au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, que les olives plongées dans la saumure étaient plus saines que les olives noires conservées au sel. et que ces dernières étaient toutefois plus digestes si elles avaient été pressées. Dans les deux cas, il s'agissait toujours d'éliminer le leucopéine, soit en la diluant dans l'eau, soit en la faisant sortir à la presse. Les conserves d'olives étaient préparées au fur et à mesure de la récolte, donc nous l'avons vu aux divers stades de maturation. Un Crafito de Pompéi, au corpus des inscriptions latines 4-8489, indique que les olives furent mises en conserve en novembre. Oliva condita, et on a la date du 17e jour avant les calendes de novembre. Les préparations étaient largement faites à la maison. Mais durant l'Empire romain, les olives en conserve ont été assez largement commercialisées aussi. On les transportait en général dans des amphores à vin qui étaient poissées, et car les olives étaient conservées dans du vin cuit ou dans du vinaigre. Une des plus anciennes attestations de ce commerce est l'épave de Cavalière dans le département du Var. C'est un petit caboteur qui a coulé vers 100 avant Jésus-Christ en transportant du vin et des olives en conserve qui étaient conservées et transportées dans des amphores Dressel 1C et Dressel 1A que vous avez sur cette diapositive. Ces amphores avaient été fabriquées dans la baie de Naples et les olives devaient donc probablement venir des pentes du Vésuve. Sur ce navire, qui semble avoir bourlingué en Afrique et en Italie, je vous renvoie à la publication de Georges Charlin, Jean-Marie Gassin et Robert Le Quémant, qui s'appelle « L'épave antique de la baie de Cavalière » au Lavandou, dans le département du Var, paru dans Archaeonautica 2, 1978. De nombreuses amphores alternes 70, originaires de Bétique, portent des inscriptions mentionnant des olivae nigrae ex defruto, c'est-à-dire des olives noires dans du vin cuit. On en a trouvé aussi bien sur le limès de Germanie, comme par exemple à Vindonicia. On en a aussi beaucoup trouvé plus récemment dans la ville de Cologne, sur le Rhin. Ulrich Hemig a publié, par exemple, 5 amphores alternes 70 qui portent la mention d'olive noire dans du defruto. Je vous renvoie à sa publication parue en 2007, Tutilipicti auf Amphoren in Köln, parue dans Kölner Jahrbuch, donc en 2007, page 215 et suivant. Mais ce n'était pas le seul lieu de provenance. Bon, la Bétique a beaucoup produit ce type de production, à côté de son énorme production d'huile. On faisait aussi des olives confites en narbonnaise et on les exportait dans une amphore que l'on appelle Oakst 21 parce que le type a été défini par Stéphanie Martin-Kilcher en 1994 dans un ouvrage sur les amphores romaines d'Oakst, die römischen Amphoren aus Oakst und Kaiser Oakst, paru donc à Oakst en 1994. Et ces amphores donc portent parfois, lorsque les conditions de conservation sont bonnes, comme à Cologne, des indications tout à fait intéressantes et complètes. Par exemple, Hemig en a déterminé 9 dans les dépôts trouvés à Cologne, dans les dépôts de fouilles. Et on voit que certaines contenaient des olives blanches dans une sauce douce, Olivae albae ex dulci, ou alors dans des amphores qui contenaient des olives vertes, Olivae oeidis, que vous voyez ici dans ce beau Titulus pictus. Donc une autre zone de production, on en a vu 3, certainement la Campanie au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Bétique au 1er siècle et au 2e siècle après Jésus-Christ, la Narbonnaise à peu près à la même époque, et un peu plus tard, on a une attestation de production et d'exportation de conserves d'olives à partir de la Crète, qui vendait certainement des olives en saumure, dans des amphorettes à fond plat qui ont dû être très largement sous-estimées dans les recherches archéologiques parce que les archéologues voient les amphores et s'intéressent beaucoup moins aux petits conteneurs. Et ces petits conteneurs que l'on appelait dans les textes la gonaei, c'est-à-dire les lagènes, ont parfois des inscriptions qui sont très éclairantes. Dans une de ces amphorettes que j'ai trouvée dans le fort de Dios en Égypte, où les conditions de conservation étaient parfaites et donc on avait bien conservé les inscriptions sur les jarres, c'est une forteresse que nous avons fouillée entre 2006 et 2005 dans le désert oriental d'Égypte, nous voyons que cette inscription porte d'un côté une inscription originelle, Crétiques dioxou, c'est-à-dire olive de Crète dans du vinaigre. Et puis, dans un deuxième temps, elle a été remployée pour d'autres conserves d'olives et on a écrit de l'autre côté Colimbades dioxou, c'est-à-dire olive plongée dans du vinaigre. Donc, une autre zone de production qui est sûrement sous-estimée et qui doit commencer bien avant le IIIe siècle de notre ère. Et il va falloir poursuivre, à mon avis, les recherches en ce sens pour déterminer les lieux d'exportation de ces olives en conserve produites en Crète. Enfin, bien sûr, à partir du Bas-Empire, de l'Antiquité tardive, l'Afrique du Nord a été un gros producteur non seulement d'huile d'olive, mais aussi d'olives en conserve. Et nous en avons quelques indications dans l'exportation de ces olives en conserve dans de petites amphores que les archéologues appellent spatheia. Et un des plus bels exemples de ce trafic nous est livré par l'épave dite du Dramon E, au large de Saint-Raphaël, dans le département du Var, où un navire venant d'Afrique a coulé vers le milieu du 5e siècle de notre ère. Il contenait dans ses cales de petites amphores cylindriques et qui étaient remplies de noyaux d'olive. Et donc, il est vraisemblable que ces spatheia sont en grande partie destinés à ce trafic. Donc, c'est une production qui est relativement importante, mais qui évidemment n'atteint pas celle de l'huile d'olive, comme nous le verrons par ailleurs. En dehors de ces olives en conserve, les Grecs et les Romains préparaient aussi des pâtes d'olive. Un passage de Diphilos, cité par Athénée dans les Démnosophistes, livre 2, paragraphe 55c, évoque des marchands ambulants de stemphylon, c'est-à-dire une pâte faite avec la chair des olives noires, que l'on vendait dans les rues des villes, en même temps que des lupins et des radis. C'est d'ailleurs à cela que fait allusion Columel, dans le livre 12, paragraphe 51, sous le nom de Samsa. La pâte était réalisée avec des olives très mûres, que l'on mettait entières sous le pressoir à huile, puis on les pressait dans un moulin avec des meules, réglé de façon telle de ne pas écraser les noyaux. La pâte ainsi obtenue était alors salée, aromatisée avec des épices telles que carvi, cumin, anis d'Égypte, fenouil, et recouverte d'huile. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 119, et Columel, en 1249-9, ont transmis une autre recette sous le nom d'epitirum, qui est un mot grec qui signifie « avec du fromage », une recette d'une pâte préparée avec des olives qui sont soit vertes, soit noires, soit tournantes, c'est-à-dire ces olives bigarrées que je vous ai montrées tout à l'heure, et qui était plus élaborée dans la mesure où on n'utilisait que la chair des olives. Celle-ci était coupée à la main, en morceaux, et mélangée dans un pot avec du vinaigre, de la coriandre, du cumin, de la rue et de la menthe, puis recouverte d'huile. Selon Varron, dans son ouvrage sur la langue latine, livre 7, paragraphe 86, la recette de l'épitirum venait de la Sicile et ne fait pas de doute qu'il s'agit au départ d'une recette grecque. Au total, tout au long de l'Antiquité, les olives ont été un aliment courant. Elles étaient principalement préparées dans les maisonnées, mais un commerce de ces denrées en conserve s'est développé assez tôt. Il est lié à la vie urbaine, au développement de loisirs et des services, et à l'usage des terres. Effectivement, on avait plaisir à acheter des olives aux marchands ambulants qui se trouvaient dans les terres. Dès la fin de la République, ce commerce a pris de l'ampleur et des olives en conserve ont été expédiées par bateau depuis les régions de production, en partie pour répondre à la demande des Méditerranéens, surtout des soldats qui s'étaient établis du fait des déplacements de troupes et du fait de l'avancée des conquêtes, bien au-delà de la zone climatique de la culture de l'olivier. Cette demande, forte et parallèle à celle de l'huile et du vin, a créé non seulement une industrie de la conserve, nous l'avons vu principalement en Campanie, en Espagne, puis en Afrique du Nord, également en Gaule méridionale, probablement en Crète, mais aussi des courants commerciaux qui ont bénéficié des moyens de transport et des réseaux établis par l'administration pour approvisionner les troupes stationnées en Gaule du Nord, sur la frontière germanique et en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Grâce aux inscriptions sur renfort, sporadiquement retrouvées, mais qui forment désormais un corpus notable, on suit leur distribution depuis les bateaux qui ont coulé en Méditerranée, comme Port Vendre II, et puis on les suit dans les villes-étapes, en quelque sorte, à Arles, dans la vallée du Rhône, à Lyon notamment, sur le plateau suisse, nous avons vu l'exemple de Hoechst, sur le long du Rhin, à Koblenz, à Mainz, à Cologne, et en Bretagne, où on en a trouvé un certain nombre à Londres. Les étapes du déclin de ce commerce doivent encore être précisées, mais il est probable que la crise militaire de la seconde moitié du IIIe siècle, le recrutement local des soldats et l'incorporation grandissante de Germains et autres peuples nordiques dans les armées ont fait chuter la demande en olives de conserve, car elles ne faisaient pas partie de leurs besoins essentiels. Le commerce se restreint alors à la Méditerranée et l'épave du Tramont E est un bon exemple, comme nous l'avons vu pour le Ve siècle. Ensuite, cette demande, directement liée à un besoin culturel, disparaît à la fin de l'Antiquité et le commerce des olives cesse par voie de conséquence. C'est une question que nous reverrons par la suite lorsque nous examinerons toute l'histoire de la production dans l'ensemble des provinces. Mais il faut garder à l'esprit, donc, à côté de l'huile que nous allons voir désormais, il y a un petit commerce, et à certaines époques relativement important malgré tout, des olives de conserve. C'était les cours du Collège de France le 30 octobre 2017. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, récolte d'olives et recettes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié en 2017 aux éditions Errance « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » et chez le même éditeur en 2004, il avait publié « Archéologie du vin et de l'huile, de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Un grand merci à Alice Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration de l'histoire de l'huile d'olive dans le monde antique en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.